Les yeux fixés sur le cadran d'une montre, né sur le fragment d'une bombe, dans le plus décadent des mondes. C'est la monnaie qui compte, cette poupée vaudou à l'air d'une blonde. Mais sache que la loupée vaut tout l'or du monde. Dis-leur Marcus. Oh là, le compte à rebours. Et vas-y, dis-leur Gwen. Yeah. Je remonte la pente de mon cardiogramme. Je détourne la drogue quand je vois ce partiogramme de tour réservé. Non, non. Pas le genre qui parle pour deux. Les idées claires et tant pis, Gwen, si on est trop pâle pour eux. Si on est trop pâle pour eux. Futur proche anonyme. Frérot, je te parle, mais je raconte rien d'utile. Non, rien de bain de futile. Les négros se mutilent et les skins se multiplient, alors ramène l'usi. Quand tes propres rails deviennent antisémites, putain triste et la street, les colons nous pillent pour t'enrichir l'Afrique. La plupart des hommes sont lâches, ne mûrissent pas avec l'âge, mais avec l'arme. Alors y'a de l'arme, c'est pas grave, hein. Trop d'hypocrites, trop de fausseurs de troubles. Tu les verras sucer des bites pendant les heures de doute. Croire en l'humain, c'est comme croire au putain ou même au Père Noël. Ma mère m'avait déjà prévenu et c'est pour ça que je l'aime. Qui craint, qui sont nos vrais ennemis? Pour les coups de pute, c'est une épidémie. Alors dis-moi, poteau, qui sont nos vrais amis? Je n'oublie pas qu'ils me mettront à wad. J'ai jamais tourné ma veste, mais ces fiottes veulent me mettre à poil. Ma parole peut être tendre, parfois dangereuse. Pas de bol si tu rentres dans le game sans connaître l'angle. Toujours à fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bête, moi je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte. Toujours à fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bête, moi je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte à rebours. Je traîne sous la pluie, alors mon cœur a fini par rouiller. Si la route tourne, j'attends encore qu'elle finisse par rouler. Je squatte les bancs, bouteille vide, putain que j'étais bête. Les grands de mon quartier s'appellent encore les sages poètes. Le jour où le king est mort, ma fille est née, ma femme a mal. Car à part la tease, j'ai du mal à aimer. Les reproches tombent car je pense beaucoup mais parle très peu. Mes proches s'inquiètent car peu à peu, ouais je m'éloigne d'eux. Malheureusement, les problèmes m'attirent comme un aimant. Les ailes brûlées, j'ai tout perdu à vivre comme un démon. Ma vie se résume à un verre vide. J'ai souvent tout gâché, tu sais, je suis doué pour faire vite. Souvent bêtement, je me sens comme une coquille vide. Toujours pas le temps pour mes rêves et pour qu'ils vivent. Toujours à fond dans le son, je vis pour une passion. Un grand gâchis comme à Boulogne, mais bon. Toujours passion. À fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bêtement, je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte. Toujours à fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bêtement, je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte à rebours. Je me sens seul au monde. Moi, qui baille aux corneilles, incapable de trouver ma place dans ce corps maigre. Non. Planté ici pendant que mes rêves partent en pick-up. Te dire ces mots est pour mon cœur de pierre un coup de marteau piqueur. Je suis un soldat de plomb qui te confère son arme. La messe est dite mais je dois passer au confessionnal. Dis-moi pourquoi mon tissu nerveux est bradé de peine. Pourquoi cette impression que Joseph K, mon ADN est la rage, j'ai de faire baver avec mes tripes. Je me suis greffé une corde vocale de guitare électrique. Dans ma boîte crânienne, ça concert de rock. Mon périple lunaire ne sera pas un cancer de trop. Parce que j'étais jeune et fou comme Led Zeppelin. La rose me fait plus peur, je connais déjà ses plus belles épines. Je suis ce drogué qui évite sa dernière dose. Moi, les poings l'air contre la mucoviscidose. Toujours à fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bêtement, je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte. Toujours à fond dans le son, je vis pour ma passion. Toujours bêtement, je m'entête dans les fêtes, donc les tentations. J'en fais ma vie et tant pis si je passe pour un fou. Toujours le même, loin des histoires, voilà le compte à rebours. Voilà le compte à rebours, yeah. Futur proche, l'anonyme. L'anonyme. Comprends bien le thème. Yeah. Master. Le compte à rebours est enclenché. J'en place une à tous ceux qui nous connaissent et nous soutiennent depuis le début.